Annamalai Swami. Ultimes enseignements. Entretien numéro 2. Quel est le rapport du jñāni avec son corps? Comment le perçoit-il? Le jñāni n'a pas vraiment conscience de son corps. Ou s'il en a conscience, il le perçoit comme l'akasha, l'espace lui-même. Une fois l'une des opérations visant à retirer la tumeur sur le bras de Bhagavan terminée, j'étais suffisamment inquiet pour envoyer une jeune fille qui travaillait pour moi à l'ashram afin de demander comment allait Bhagavan. Je ne pouvais pas y aller moi-même car Bhagavan m'avait demandé de ne pas lui rendre visite. Lorsque cette jeune fille a expliqué à Bhagavan pourquoi elle était venue, il s'est mis à rire très fort. J'ai interprété cela comme signifiant que rien ne s'était vraiment passé. Son rire était un message à mon intention, indiquant que Bhagavan n'était pas son corps et que je ne devais donc pas être bouleversé ou inquiet par quoi que ce soit qui lui arrive. Des années auparavant, je marchais sur la colline avec Bhagavan quand il a fait remarquer la chose suivante. Je ne sens pas du tout le poids du corps. J'ai l'impression de marcher en apesanteur dans le ciel. J'ai parfois la même sensation quand je me promène. Je n'étais pas là hier, mais il me semble que quelqu'un ait posé une question sur la vibration qui émane d'un jñāni. Vous avez apparemment aussi parlé des vibrations que les gens ordinaires et les mauvaises personnes dégagent. Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit? Les vibrations d'un jñāni persistent même après qu'il a quitté le corps. Tous les êtres laissent des vibrations dans les lieux où ils ont séjourné et vécu. Les jñāni laissent une bonne vibration et les mauvaises personnes laissent une mauvaise vibration. Je ne parle pas d'un phénomène physique grossier que tout le monde peut ressentir. La vibration qu'un jñāni laisse est subtile. Les émissions de radio ne peuvent être entendues que si l'on dispose d'une radio réglée sur la bonne fréquence. Vous devez donc vous syntoniser sur les vibrations d'un jñāni en ayant un esprit calme et tranquille. C'est la longueur d'onde de l'émission. Si vous ne vous êtes pas réglé pour recevoir cette fréquence, vous ne pouvez pas espérer ressentir ou bénéficier des vibrations que le jñāni a pu laisser dans un lieu. L'intensité de la vibration est-elle plus forte si l'on reste près d'un jñāni vivant? Oui. En est-il de même avec Arunachala? Oui, sans aucun doute. Bhagavan lui-même a dit que si l'on vit au pied d'Arunachala, on n'a besoin d'aucune initiation. Si nos intentions sont pures et saintes, le simple fait de vivre ici peut être une bonne sadhana, une bonne pratique spirituelle. Guhai Namashivaya, un saint qui vécut sur la colline il y a quelques siècles, a dit dans l'un de ses poèmes que cette colline d'Arunachala attire les sadhakas, les chercheurs, de la même manière qu'un aimant attire le fer. Dans l'Antiquité, la Shakti, le pouvoir de cette colline, était cachée, mais Bhagavan l'a rendue accessible à tous. Bhagavan a chanté cela dans Aksharamanamalai, au verset 98, en disant « J'ai rendu public tes actions, ne me déteste pas pour cela ». Il était rare que Bhagavan fasse une déclaration aussi ouverte sur quelque chose qu'il avait fait ou accompli. Il utilisait rarement le mot « je » lorsqu'il faisait référence à un événement qui s'était produit à des époques antérieures de sa vie. Parfois, il utilisait la forme passive, en disant « quelque chose m'est arrivé ». D'autres fois, il allait jusqu'à utiliser le nom de quelqu'un d'autre lorsqu'il racontait une histoire sur quelque chose qui lui était arrivé. Je retourne en Europe pour 2 mois. Cela pourrait être plus long car il est possible que je doive prolonger mon séjour. Même si vous prolongez votre séjour, Arunachala vous ramènera vers lui. Vous ramenez vers lui et dans sa nature, tout comme la nature d'un aimant est d'attirer le fer. Une fois que vous aurez établi un lien avec Arunachala, il ne cessera de vous attirer vers lui. Vous ne pourrez pas y résister. Est-ce donc dangereux pour nous de venir visiter cet endroit ? Ce n'est dangereux que pour l'ego. Tant que nous ne ferons pas qu'un avec Arunachala, celui-ci nous poussera à tuer notre ego. L'eau d'une rivière ne peut rester immobile là où elle est. La force de gravité contraint l'eau à s'écouler vers le bas, pour retourner à sa source originelle. Vous avez dit que le simple fait de vivre près d'Arunachala pouvait constituer une bonne sadhana. Il doit en être de même pour le fait de vivre près d'un jnani. Vous avez raconté de nombreuses histoires sur la façon dont le fait de vivre avec Bhagavan transformait les gens, même ceux qui ne faisaient pas beaucoup d'efforts pour méditer ou pratiquer tout autre sadhana formel. Oui, nous avons tous tiré un bénéfice incommensurable de sa présence, en accomplissant des tâches ordinaires et quotidiennes avec lui. Il était toujours disponible pour donner des conseils sur la sadhana si quelqu'un souhaitait lui poser des questions à ce sujet. Mais nous tirions également profit de sa présence et de l'exemple qu'il donnait sur la manière de mener une vie correcte. La plupart du temps, Bhagavan semblait être un père indulgent, tolérant et facile à vivre. Si nous ne suivions pas ses instructions concernant divers aspects de notre vie, on aurait pu croire pendant un moment qu'il nous laissait suivre notre propre chemin. Parfois, on aurait même pu penser qu'il approuvait certaines des mauvaises choses que nous faisions. Mais petit à petit, quand le moment était venu, il nous ramenait vers sa propre voie. Donc, quand les gens faisaient des choses vraiment mauvaises, ils ne se plaignaient pas et n'intervenaient pas. Lorsque Bhagavan vivait dans la grotte de l'arbre à mangue, un homme appelé Jadaswami lui causait beaucoup d'ennuis. Au début de leur relation, chaque fois que Jadaswami dirigeait une puja, une cérémonie, il invitait Bhagavan et lui demandait ensuite de frapper le tambour au moment culminant de la cérémonie. Cela réduisait en fait Bhagavan au rôle d'un simple assistant lors de la puja de Jadaswami. Jadaswami offrait un spectacle assez impressionnant, à tel point que de nombreux pèlerins de passage ou membres du public étaient attirés par ces cérémonies. Cela aidait, bien sûr, que Jadaswami ait une allure très imposante. Avec ses longs cheveux emmêlés et son regard féroce, il ressemblait à l'archétype de l'ascète sadhu. Cependant, de nombreuses personnes assistantes au puja remarquèrent l'expression radieuse sur le visage du jeune garçon qui frappait sur le tambour, et certaines d'entre elles commencèrent à se prosterner devant lui car elles pouvaient percevoir quelque chose de sa sainte radiance. Jadaswami devint très jaloux en voyant cela, mais il tenta de regagner un peu de son estime de soi en disant à ses visiteurs « C'est mon disciple ». Vous pouvez donc lui faire namaskar aussi. Bhagavan ne protesta jamais lorsque Jadaswami se comportait ainsi ou faisait de fausses déclarations le présentant comme son disciple. Lorsqu'il devint évident que Bhagavan allait attirer une nombreuse foule à lui, Jadaswami devint jaloux et tenta de le chasser de la colline. Un jour, alors que Bhagavan était assis à l'extérieur de la grotte de Virupaksha, Jadaswami tenta même de le tuer en faisant rouler un gros rocher sur lui. Bhagavan, qui tournait le dos à Jadaswami, fut prévenu de l'attaque lorsqu'il entendit de petits cailloux dévaler sur la roche derrière lui. Bhagavan bondit et surprit Jadaswami en flagrant délit. Lorsqu'il le confronta et lui demanda ce qu'il faisait, Jadaswami tenta de s'en sortir en bluffant, affirmant qu'il ne faisait qu'une farce, et en disant « Je l'ai fait juste pour voir si tu aurais peur. » Bhagavan ne l'a jamais critiqué, même après cet incident, et les deux ont continué à vivre côte à côte sur la colline pendant plusieurs années par la suite. Ce comportement, ces choses que Jada soit mis à fait, ce ne sont pas le genre de choses que l'on attendrait d'un sadhu vivant sur Arunachala. Guhei Namasivaya, qui vivait sur la colline il y a plusieurs siècles, était également célèbre pour son mauvais caractère. Lors d'un incident célèbre, il maudit un groupe de tisserands qui lui causaient des ennuis. En peu de temps, toutes leurs entreprises firent faillite. La malédiction était apparemment tenace, car au cours des années qui suivirent, toutes les tentatives de créer des entreprises de tissage à Tiruvannamalai échouèrent. Diriez-vous donc que Bhagavan était très tolérant envers les personnes qui le traitaient mal ? Oui, il ne réagissait jamais de manière négative aux critiques. Parfois, il allait même jusqu'à rire quand les gens disaient du mal de lui. Il était indifférent aux louanges et aux reproches. Il ne l'atteignait pas. Lorsque Perumal Swami fit imprimer son livre insultant sur Bhagavan, Bhagavan se contenta de dire « Placez le livre devant l'ashram afin que les gens puissent le lire là-bas. Les gens bien intentionnés n'y croiront pas, mais quand les mauvaises personnes le liront, elles resteront à l'écart et me laisseront en paix. » Cela s'est produit dans les années 1930, à une époque où de grandes foules de gens commençaient à venir au Ramanashramam. Perumal Swami s'est bien débrouillé pour distribuer le livre lui-même, car beaucoup de visiteurs occasionnels venus de la ville ont cessé de venir. Cela nous a un peu soulagés car beaucoup de gens ne venaient qu'à l'heure des repas, dans l'espoir d'obtenir un repas gratuit. Ces profiteurs étaient une source de perturbation pour nous tous. Sundaram, le traducteur d'Annamalai Swami, prend la parole à ce moment-là, en disant « La même chose se produit ici. Nous avons préparé un repas spécial pour Punarvasu et invité quelques fidèles à manger. Sans en parler à Swami, un homme a amené 17 personnes supplémentaires, dont aucune n'était infidèle. Nous n'avions jamais vu aucun d'entre eux auparavant. Nous n'avions préparé de la nourriture que pour 15 personnes. Si une ou deux personnes de plus étaient venues, nous aurions pu nous débrouiller, mais nous ne pouvions pas offrir de repas à toutes ces personnes supplémentaires. Nous avons divisé la nourriture en très petites portions et avons nourri tous ces inconnus qui venaient d'arriver pour manger. Une fois le repas terminé, ils ont commencé à déambuler, en se montrant gênants. Ils ont dérangé les personnes qui continuaient à cuisiner et ils ont volé les sandales de l'un de nos fidèles. Swami ne voit pas d'inconvénient à rencontrer des sadhaks qui souhaitent discuter de questions spirituelles importantes, mais il n'aime pas ces réunions où beaucoup de gens se pressent. Il est très affaibli la plupart du temps et il veut économiser son énergie pour les questions importantes. Je me contente de donner du vibhuti à la plupart des personnes qui viennent. Note du traducteur. Le vibhuti est de la cendre ou de la bouse de vache avec lesquelles les sages en Inde se font des marques sur le front pour signifier leur état de renonçant. Fin de la note. Mais peu importe à quel point je décourage les visiteurs, ils viennent quand même, souvent sans aucune raison valable. Je suis physiquement faible, je ne peux donc m'occuper des gens que pendant de courtes périodes désormais. Je suis un peu comme un puits alimenté par une petite source. Si quelques personnes y puisent de l'eau en même temps, elles videront le puits. Elles devront alors attendre un certain temps que l'eau revienne avant de pouvoir en puiser à nouveau.